chier. FRG, yeah, faut comprendre un peu. Soit on a tout, soit on a rien. C'est pour ça, il y a ce mot. C'est pour ça, il y a ce mot. Ces choses-là, j'ai vu de le dire. C'est difficile à croire, mais le monde est un cimetière. La deuxième guerre mondiale fut un événement terrible. Je ne comprenais pas tout ce mal qui a pu s'acharner. Les hommes sont-ils devenus fous alliés? Je ne comprends toujours pas pourquoi et comment les hommes ont pu s'entretuer. L'exemple d'Adolf Hitler était un cauchemar à cause de cet homme qui transforma l'Allemagne. Non, certes, il a répandu beaucoup de mal en donnant aux gens du bien qui était en réalité du mal. Car je sais que le diable est à l'intérieur de lui. Car en réalité, c'est comme la peste que ce se serait bien répandu. Alors on peut cracher sur son âme, il l'a bien mérité. Car si des ordres cruels ont été donnés par lui, des millions de personnes ont mouru de sa cause. Mais d'un côté, ça a un sens, c'est grâce à lui si maintenant on est moderne. Du monde nazi, d'où il provient, l'exemple d'Hitler a été imité dans ce monde. Beaucoup de pays encore s'entretuent avec l'arme nucléaire. On est hommes, ne sont à l'abri nulle part. Et les hommes ne pensent qu'à conquérir, même si des fois ils le démentent. Des innocents meurent chaque jour. L'exemple des tours jumelles en fut la une des journaux pour vous dire que même dans la plus grosse force mondiale, on n'est pas à l'abri. Chaque jour il y a des morts, et souvent dû aux attentats. Mais merde, pourquoi des innocents? Nombre de victimes qui ne sont pour rien. On parle de certains, mais faut se regarder. Chaque jour des explosions dues aux bombes. Des êtres innocents meurent pour ça. Je parle certes comme ça, mais ce n'est pas faux. Pourquoi il y a des guerres? Et ça, on se dit civilisé. Avant oui, maintenant je ne sais pas. En tout cas, il a fut un rêve, une nuit par hasard, où mon rêve était la paix, la liberté. On danse un monde de fous, il y avait un cœur où les hommes sont cruels quand ils font la paix. Et c'est une nouvelle guerre, c'est ça l'humanité. J'ai eu un entretien avec quelqu'un, elle m'a dit que c'est la première fois qu'il entend mon histoire. Elle m'a dit que nous les hommes, on est tous les mêmes, qu'il n'y en a pas un pour imiter l'autre. C'est comme ça, comme il le dit, on est trop cruel, c'est la vérité. Dieu nous a rappelé les 10 commandements, l'histoire comme il a traversé. Dieu nous aime tel qu'on est, car on est à son image. On a vu tellement de guerres au cours de l'histoire de l'humanité. Alors s'il vous plaît, au nom de tous les peuples sur la planète, au nom de toutes les religions telles qu'elles soient, arrêtons le massacre, il y en a marre. Que tout le monde soit égaux, ainsi veut le droit de l'homme. Que la paix règne et cesse la guerre, et c'est le feu pour un meilleur avenir. S'il n'y a plus de guerre, alors place à la paix, adieu la colère. Et place au bonheur. La guerre, ce mot devrait pas exister, on devrait tous l'éviter. La paix sur terre, ce mot devrait plus se répandre, on devrait tous l'apprendre, ou de l'apprendre. Je compte sur vous qu'on se le dise, pour que chaque sourire soit éternel, qu'il fasse battre des cœurs, et voir enfin le bonheur sur terre.